Et ouais, c'est bien Radio Duo. On est bien le 21 février. Il est 19h. J'espère que vous êtes rentrés chez vous. C'est l'heure de joie, rage et courage. Une petite heure passée ensemble avec des sons, de la musique, la playlist, à chaque fois entourée d'un thème ou d'un sujet. Aujourd'hui, on va parler deux fois deux voies, échangeurs, autoroutes, bitume et machin truc. Eh oui, on va parler de ce qui se passe au niveau du col du Pertuis. Alors, quand vous partez de Saint-Étienne et des alentours et que vous prenez la direction du sud, direction la N88, direction Le Puy, eh ben, c'est le petit endroit tout en haut où il y a des sucs, c'est une espèce de volcan autour de vous, et où après on redescend sur Le Puy. Mais que se passe-t-il à cet endroit? Eh ben, certaines personnes ont décidé dû mettre une deux fois deux voies sur 10 km. Et on va parler de ça et de la lutte qu'il y a autour de ça. Contre ça. Aïe. Là, je crois qu'il peut pas s'arrêter techniquement. C'est bien ça, toi? C'est un mytho. À l'approche d'une sortie, d'une bifurcation ou d'une aire de repos, la ligne discontinue ressemble à une ligne de dissuasion. Elle n'interdit pas les dépassements, mais elle doit inciter à ne pas se rabattre à cet endroit pour prendre la sortie annoncée. Si l'intention du conducteur est de quitter l'autoroute, il n'a pas à se lancer dans un dépassement si près de la sortie. Les risques sont des freinages violents, des queues de poisson, des écarts de direction et autres réactions inattendues et dangereuses. Hauteur du col du Pertuis aux environs de 13h. Une vaste pagaille sur une chaussée à peine recouverte par quelques centimètres de neige très lourde. Et ouais, le col du Pertuis, et ben, effectivement, ça arrive qu'il y a des bouchons quand il y a de la neige, mais sinon, à part ça, ben, c'est une petite route qui passe à travers un village et tout se passe bien. Mais voilà, l'ami Vauquier a décidé d'y mettre une deux fois deux voies pour contourner le village du Pertuis et le village de Saint-Austien en bas de la descente. C'est un projet de 10 km en deux fois deux voies pour pouvoir rouler à 110 km/h à tout berzingue. Et tout ça, donc ça va niquer 140 hectares de terrain. Ça va nous coûter 226 millions d'euros en tout. Enfin, c'est un premier chiffre, hein, forcément ça va dépasser un peu, donc 26 millions par kilomètre, pour ça ils vont devoir creuser, construire, bâtir, etc., une douzaine d'œuvres d'art, de ponts, de viaducs, de machins, de creuser, de trancher, bref, tout ça, ça va demander à faire sortir 3 millions de mètres cubes de déblais, et tout ça donc pour que une deux fois deux voies passe à cet endroit-là. Mais c'est pas si simple que ça. Eh oui, déjà, c'est pas simple. Mais effectivement, il y a des choses, des gens qui protestent. Au milieu des volcans, au milieu de ces villages, Vauquier a quand même trouvé dans son fief des gens pour dire eh ben c'est pas très cohérent et puis nous on n'est pas trop d'accord et puis de toute façon ça se fera pas. Donc voilà, c'est ce sujet qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. À partir de différents sons, prix, ici ou là. Et puis, voilà, on va commencer par un son trouvé sur Internet où des gens qui font partie du collectif de lutte Les Sucs en lutte qui présentent leur collectif. Voilà, on va présenter ça, on va passer ce petit son et après on reviendra sur, ce projet. La raison de la création de ce collectif, c'est que France Nature Environnement se bat pour des causes environnementalistes, de nature, mais on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas forcément les seuls à devoir se battre. Le côté politique était important, le côté juridique était important, le côté lutte sociale était aussi important. L'historique du collectif, du coup, c'est en fait suite au confinement, il avait été lancé à l'échelle nationale un appel contre la réintoxication du monde avec une manifestation qui devait être prévue pour le 17 juin. Donc nous, voilà, on est un collectif, enfin on n'était pas encore un collectif, mais on était des gens qui nous inquiétions beaucoup du sort de l'avenir et notamment des enjeux climatiques qui sont en train d'être d'urgence, enfin d'une urgence capitale. On est tous impliqués dans la paysannerie bio, dans des choses assez alternatives dans le coin. Laurent Wauquiez a ressorti un projet vieux de 30 ans, qui est donc le projet de cette RN 88. C'est un projet d'un autre temps. Aujourd'hui, les camions, on ne les veut plus sur les routes. Aujourd'hui, il faut mettre les camions sur les rails, il faut y mettre les moyens, il faut arrêter le blabla politicien. Il faut faire en sorte que les camions soient sur les rails de chemin de fer. C'était le cas encore jusque dans les années 80. Tout le carburant arrivait par fret ferroviaire à Brive-Charensac. Et ça a été stoppé. Et le projet de pôle intermodal, d'ailleurs porté par Laurent Wauquiez aussi quand il était président de l'Aglo, depuis, a fait en sorte de limiter la possibilité de continuer à faire ce fret ferroviaire. En fait, je fais partie du collectif La Lutte des Sucs parce que j'ai une sensibilité écologique et c'est par solidarité pour la nature, d'une part, que je fais partie de ce collectif parce que je trouve que c'est un gaspillage de terre de nature qui est incroyable. C'est quand même 140 hectares pour 10 km. Donc en fait, sachant qu'une route, une deux fois deux voies, ça fait 14 mètres. Hein. Là, on est sur du 140 mètres de large au mètre. Hein. Voilà, donc moi c'est un chiffre qui me parle beaucoup. Et puis bien sûr, des paysages auxquels je suis sensible, c'est des zones qui sont très très riches, très diversifiées. Et puis aussi, je suis solidaire des agriculteurs qui sont très impactés. Sur le tronçon, là, il y a deux agriculteurs qui sont très très impactés. Et c'est des agriculteurs qui ont leur ferme qui est complètement, totalement compromise avec le projet. Donc c'est des agriculteurs qui n'auront pas d'autre solution de foutre le camp. Et en fait, rien ne leur a été proposé de toute façon. Donc voilà, je me dis que si ça m'arrivait à moi, ben j'aimerais qu'il y ait d'autres agriculteurs qui aient une empathie pour moi et c'est pour ça aussi que je suis là. Ensuite, il y a eu beaucoup de discussions autour des tracés entre les différents villages concernés pour aboutir en 1997 à une déclaration d'utilité publique. Donc cette déclaration d'utilité publique est aujourd'hui caduque. Parce que les arguments de la région aujourd'hui qui sont avancés, ce sont des arguments faux et font aussi que les gens se retrouvent complètement dépendants à la voiture. Un projet comme celui-ci rend encore plus les gens dépendants à la voiture alors où il faudrait que les gens, pour plus de justice sociale et plus de possibilités de liberté de transport collectif par exemple. Bien sûr, on a des propositions à faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est faire baisser la fréquentation sur cette route nationale 88 existante. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre Issingeaux et Le Puy, préfecture sous préfecture, il y a un bus le matin, un bus le soir. Donc beaucoup de gens travaillent à Issingeaux ou travaillent au Puy, font les allers-retours tous les matins et soirs parce qu'il n'y a pas d'offre de transport en commun qui tienne la route. Aujourd'hui, il y a des gens du Puy qui vont travailler à Saint-Étienne et inversement, le train met une heure et demie alors qu'en voiture, on met une heure. Donc forcément, la concurrence à la voiture n'est pas évidente. Donc avec quelques millions d'euros, il ne faut pas se leurrer, il faut quand même mettre de l'argent sur le papier. Et ça, c'est vraiment les compétences de la région, de mettre de l'argent dans les transports en commun. Et en fait, avec deux gares de croisement sur le TER existant, on gagne 20 minutes. Si on fait des trajets vachement plus cadencés. Donc déjà, faire baisser la fréquentation sur la nationale. Après, depuis que ce projet existe, il y a presque 30 ans, rien n'a été fait pour améliorer l'existant sur le tracé actuel. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas abandonner les gens du Pertuis et de Saint-Austien, il faut faire en sorte que leur cadre de vie puisse s'améliorer, mais pas au détriment des 60 autres habitations qui sont sur le projet de tracé. Ça ne peut pas être intérêt individuel contre intérêt individuel, c'est intérêt individuel pour l'intérêt général. Et là-dessus, ce projet de la région qui est pharaonique, qui dépense 226 millions d'euros prévus, on peut en faire beaucoup de choses pour améliorer la vie de tout le monde. Voilà, c'est un petit extrait d'une vidéo faite lors d'une manif en décembre. Donc voilà, la situation actuelle, elle a été présentée rapidement dans la vidéo. En gros, la DUP, c'est le cadre juridique est périmé hein, pour faire les travaux. Mais pour autant, en fait, la région fait le forcing pour lancer ce projet, notamment avant les élections électorales. Car il y a un gros enjeu pour Wauquiez, qui est en fait président de la région et qui est aussi en fait le seigneur de cette terre. Il a intérêt à ce que le projet démarre. Sauf que le DUP est périmé. Toutes les terres n'ont pas été acquises pour faire le projet. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse pression sur les propriétaires terriens qui ont plusieurs visites par semaine par une boîte locale là-bas qui vient foutre la pression en fait pour choper les terres. En fait ce qu'il fait, c'est qu'il lance les travaux alors que le DUP est périmé et que tout n'est pas acquis. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rase tout, il rase toutes les armes, tous les trucs, pour en fait foutre la pression sur les propriétaires terriens en disant « bah voilà, en fait, maintenant, c'est enclenché, vous ne pouvez plus dire non ou bloquer quoi que ce soit, le projet est lancé et ce n'est pas vos petites armes qui vont empêcher l'autoroute de passer, enfin l'autoroute nationale ». Bref, un gros coup de force, et un gros coup de force dans un espace qui est particulier, car le Pertuis, donc c'est à plus de 1000 mètres d'altitude, et c'est un endroit très... il y a des volcans autour, c'est peu habité. Le Pertuis, il me semble que c'est 700 habitants, et Saint-Austien, c'est 400 habitants. L'idée, c'est de contourner les villages, donc ça impacte les fermes autour, c'est construire des viaducs, etc. Et du coup, en fait, il y a peu de personnes présentes sur place qui sont en fait qui ont une capacité de se mobiliser. Il faut dire que Wauquiez, là-bas, il a mis en place un système de pression, en fait, hein, sur les élus, sur les commerçants. Il connaît tout le monde. Tout le monde est de la famille de tout le monde. Et du coup, c'est un peu compliqué. Pour autant, les gens là-bas, en fait, l'usage de cette route, en fait, ça va faire gagner que, il me semble, les études font que ça va gagner 3 minutes hein, sur, de route, donc de temps. En fait, les gens là-bas, ça les intéresse pas. Ce projet, en fait, il rentre dans un cadre beaucoup plus large, qui était de faire une diagonale, une transversale qui va traverser la France, en gros de Strasbourg, Lyon, et après qui descend, Toulouse, à travers le Massif central. Donc, ça suit le parcours de la Nationale 88, National 88 qui a déjà été largement aménagé, notamment entre Toulouse, Rodez, Albi, etc. Ces endroits-là, ils l'ont déjà aménagé en 2x2 voies. Et à chaque fois, dans plein d'endroits différents, il y a des poches de résistance, que ce soit en Lozère, dans l'Aveyron, en Haute-Loire. Bref, ça résiste, mais très localement. En fait, c'est des territoires qui sont très peu habités et du coup qui sont se trouvent un peu, c'est le petit contre le grand quoi. Cette diagonale, en fait, on reviendra dessus tout à l'heure sur les intérêts et les projets qu'il y a derrière cette diagonale de transport. En tout cas, en ce moment, il n'y a pas seulement les vampires qui tapent aux portes pour choper des terres, il n'y a pas seulement des gens qui détruisent des armes, il y a aussi des balades qui se font. Alors, on va revenir sur cette action, et après, plus tard dans l'émission, on reviendra sur les différentes actions en cours en ce moment sur le terrain. Les balades, en fait, on va écouter quelqu'un qui explique un peu le principe des balades, et puis comment ça se passait au départ, et puis comment ça évolue. Oui, du coup, pendant certaines balades, un des objectifs, c'était d'aller discuter avec les gens du chantier, qui étaient sur les pelleteuses, les alateuses et tout ça, pour rester sur zone et les empêcher de travailler jusqu'à l'arrivée de la police, enfin des gendarmes. Et du coup, voilà, on venait, on payait le café et les entreprises avaient l'ordre d'arrêter tous travaux s'il y avait des personnes à proximité. Du coup, ils appelaient leur chef, après la police, et on avait fait le choix de ne pas attendre que les gendarmes arrivent, de jouer plutôt au chat et à la souris, d'aller perturber un peu symboliquement tous les travaux qui étaient entrepris. Et alors, en pratique, ça donne ça. Voici un son trouvé sur internet. Tendez l'oreille parce que le son est pas très très très très bon. C'est des personnes d'une balade qui rencontrent des ouvriers qui travaillent autour d'une foreuse. C'est ce qu'on s'est dit. C'est pour ça qu'on vous a ramené les croisants, vous voyez, ça passera peut-être mieux, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, là, je suis pas là pour prendre la tête. Oui, non plus, on va. Exactement. Là, on est deux. La journée, elle passera plus vite. Voilà, c'est plutôt convivial et bon vivant. On va passer un autre son d'une autre balade qui pour présenter un peu le principe des balades. Voilà. Alors le son que vous allez entendre là, c'est la neige. Car ouais, il neige pas mal à 1000 mètres d'altitude. Et donc, ce qui se passe dans ces balades, le principe, c'est en fait d'essayer de comprendre un peu le terrain. On va l'entendre dans un petit son là, une petite discussion informelle, et puis après aussi c'est de croiser la faune locale. Vous allez voir, les chemins du Pertuis sont habités par d'étranges personnages. Après on a coupé comme ça là. Étude des cartes. C'est pas là qu'on est passé. On a dû couper ce pied là. Hop, arrivé dans la forêt. Hop, devant la forêt, on a continué sur ce sentier. On n'est pas sur cette carte là. Une bonne connaissance du terrain. Bah, tu vois le... sur cette carte. La zone du Vernet là. Parce qu'en fait on voit le hameau. Ah oui, le hameau il est là. Oui, on est plutôt sur cette route là. Ouais, on est sur cette route là. Ouais, on est en dessous de la forêt. Un virage là. On était là, on a coupé, au lieu de prendre le chemin comme ça, on a coupé ici, on avait voir les deux gros arbres. Tac, on est arrivé sur le bord de la forêt, on n'est pas rentré sur le chantier interdit, on a continué, ça a braqué, là tu en face du jardin. Fais voir l'autre feuille. Donc je vois même pas la zone qui est indiquée là en fait. Cette zone qui est indiquée là. C'est la zone du Vernet là. Là. Ah non, ça c'est. C'est pas ça. C'est pas au dos, non, c'est là. C'est les flics, hein? On s'en fout. Ouais, c'est les flics. Quoi. Normalement, il y a de la. Mais c'est clair. Passage d'un véhicule de l'entreprise, les chantiers. C'est la mode, le orange fluo ici. C'est des zones qui ne seront pas touchées. Ce qui m'a pris, c'est qu'est-ce qu'ils ont ces arrivent derrière. Ah, c'est toute une barrière antifaune, je crois. On n'a pas le droit d'être sur la route. On balade. Si on a le droit après. On est bien, on peut même dire randonner. Derrière, chantier interdit au public, ce qui n'était pas là jusqu'à maintenant. Effectivement, qu'on n'allait pas sur les zones où il y a des abattages. Je me sens pas l'égalité là. Il y a l'OFB. Et maintenant, passage d'une voiture des flics des bois. Ça existe, les flics des bois. Ah ouais, si, si, je vous jure. Bah alors eux en fait c'est ceux qu'on appelle suite aux veilles pour leur demander de venir constater l'infraction. Mais sauf qu'effectivement ils n'ont pas l'air du bon côté. Ils ont pas l'air de du bon côté. Ah oui. Bah ça les fait un peu chier de venir. Mais ils sont là quand même. Ça veut dire quoi? Ils font leur job quoi en fait. Ils font juste leur job. Ouais, enfin après il faut fréquenter ces trucs. Et maintenant, vu que ça suffit pas, ben un passage de RG qui passe sur le terrain, sur le chemin. Merci. Vous voulez rejoindre la balade? Ouais. Non, mais il faut pas. Il y a pas un chemin qui peut nous faire passer, où on peut longer le chantier par en bas. C'est quoi votre boulot dans la vie? Eh ben, on peut. Sinon, on prend au-dessus et on peut. Aller vite, hein. Profite-toi de la vie comme il veut. On n'est pas du côté des destructeurs, mais par contre. Et voilà, après cette petite rencontre, notre chemin continue. Et au coin d'un bois, voici ce genre de son qu'on peut entendre. Voilà, en fait, ces balades, elles ont un grand intérêt, c'est que ça permet de bien connaître le territoire, de comprendre les villages, les endroits, les enjeux, de voir un peu les particularités. Maintenant, en ce moment, les balades sont thématiques, donc il y a des balades sur la géologie, la faune et tout ça. Et bref, c'est l'occasion aussi de se faire des petites projections sur comment ça sera les travaux et comment ça sera ici plus tard. Ou comment il voudrait que ça soit. Voici une petite photographie radiophonique de la future du projet. Ouais, le viaduc qui sera un peu sur le flanc droite du mont là qu'on voit en face. Au niveau de la forêt en bas là. Mmh. Ça va être là comme ça. Mais après il descend comme ça, non? Après ça tourne, ça passe au-dessus de Saint-Austien. Et après, ça tourne sur la droite et ça vient récupérer la nationale derrière Saint-Oustien là-bas. Ouais, ouais. Maintenant, ça coupe, je crois que. Parce que... Après le cimetière. Après le cimetière, ouais. Ça retourne là-bas. Oui, parce que là, il y a ouais. Les oui, oui. On n'est jamais allé encore là-bas, nous. Oh. Pas près le cimetière, ouais. Et du coup, la semaine dernière, on était là, c'est là où on a empêché un peu les gars de travailler, quoi. Bon, ils ont quand même bien bossé, hein. Ah, ils ont plutôt bien avancé, voilà. Du coup, ils ont défoncé toutes les haies, tout ça. Ça, c'est... Enfin, niveau écosystème, c'est bien pourri, quoi. Et après, ouais, la route, elle va rejoindre juste après Saint-Austin, elle va couper. Elle va s'enfoncer dans les terres là-bas, là. Ouais, ouais. Elle passe derrière la petite ruine qu'on voit, là. Avant d'arriver à Saint-Austin, sur notre gauche, il y a un petit mont avec une ruine perchée. Ouais, ça passe carrément derrière, ouais. Ça passe derrière. Et là, c'est un tunnel, ils vont faire quoi pour passer le talus là. Ils vont terrasser. Ils vont creuser, ouais. Ouais. On est au bord du précipice. Hein. Quoi ? On est au bord du précipice, quoi, en fait. 30 mètres, le gars, nous a dit l'autre oui, fois. Oui, c'est assez énorme, ce qu'ils vont creuser. Ils vont vraiment encaisser. Ouais, 30 mètres, ça, ils vont atteindre la colline. Ouais, pour descendre tranquillement jusqu'à Foncier, quoi, pour rejoindre la route, là de Saint-Julien. Ouais, parce que je crois qu'il y a un truc de pourcentage de la route, il faut pas qu'elle ait... Il y a des pourcentages qu'ils peuvent pas atteindre. Oui, sinon, en fait. C'est dangereux. Ouais. Surtout au Pertuis. Le sud du Pertuis, les habitants, ils le disent, c'est le point le plus froid. Quoi. Ouais. Ici, on est largement sur le point le plus froid du Pertuis. Ouais. Il y a des trucs comme ça qui sont assez aberrants, comme le mont Chirou, il est très froid, et en fait, la zone, elle fait un, putain de virage bien raide sur tout le flanc nord du mont Chirou. Quoi. Là, les gars, sécurité, j'y crois pas trop, quoi. Je sais pas. Mon Chirou, c'est ce qu'il y a en face. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Et voilà. Du coup, ils travaillent en bas, en fait, dans la forêt. Là, il y a un ruisseau avec un ancien moulin et tout ça. Et là, ils abattaient, mais là, la tronçonneuse les dernières semaines. Bah, parce que c'est pas accessible aux machines quand ouais. C'est trop raide. Ouais. Enfin, ils s'en fait quand même très très peu à la tronçonneuse. C'est beaucoup la. Ouais. C'est beaucoup la mécanac là. Ouais. Une ouais. Espèce de pince forestière là. Chelou, ouais. Là. Il fait péter plus de 20 cm. Ouais, il prend les arbres. Il coupe, comme ça. Mais il y a une pince. C'est une pince coupante, quoi. C'est une pince coupante. Ah oui, il déracine même pas les arbres. Ah non, il les coupe en deux, quoi. Il laisse des merdes comme lui, tu vois, lui c'est ça, là. Il laisse des merdes comme ça, là. Et c'est ouf, quoi, c'est du calme de vie. Watch your back. Et ouais, j'espère que vous avez bien claqué des mains. C'était Regulation sur Joueurs Rage et Courage sur les 89.5. On revient donc à l'histoire du col du Pertuis et à ce qui se passe là-bas, à la résistance et aussi au projet. Quand j'ai entendu parler de ce projet de contournement, ces 10 km, ces ponts, ces trucs, ça m'a fait vraiment penser à la lutte contre les 45. Et du coup, à la base, l'émission, je m'étais dit « Ah ouais, tiens, on va pouvoir faire des comparaisons et parler enfin dans Joueurs Rage et Courage de cette lutte de la 45 qui a quand même été importante sur Saint-Étienne. » Sauf que, une fois sur place, en fouillant un peu, en fait, on voit que les deux situations sont différentes. Bien sûr, ces projets autoroutiers, c'est un projet d'infrastructure, mais en fait, c'est pas pareil. Les enjeux sont pas les mêmes et les luttes sont pas les mêmes parce que une déviation entre deux villages de 700 et 400 habitants, c'est pas pareil qu'une autoroute de 40 bornes entre deux métropoles. Il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes choses qui se passent. Le truc particulier avec Saint-Eustien, mais en fait, c'est déjà le fait que c'est un projet hyper local. C'est très concentré. Et c'est assez malin de leur part de faire les travaux sur le National 88 un peu à chaque fois en décalé et un peu dispersé. En fait, ça fait un peu comme des petits confettis de travaux, et du coup, il y a des petits confettis de lutte, et ces confettis de lutte, eh ben, c'est difficile de les voir, en fait. Du coup, et en plus, la particularité de cette lutte, c'est que, en fait, ça ne profite pas vraiment aux gens sur place. En fait, cette autoroute, elle a d'autres volontés et d'autres intérêts. Et c'est aussi des zones qui sont super vides. Et en plus, la particularité du col du Pertuis, c'est que c'est vraiment sur les terres de Vauquier, quoi. Où, en fait, il est une espèce de grosse chape de plomb sur tout ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est quand même assez particulier et c'est différent de ce que c'était la lutte sur la 45. C'est que du coup, sur la 45, ça impactait beaucoup plus de gens qui étaient directement confrontés et qui étaient confrontés et intéressés sur place, là où ils habitent, là où ils travaillent. Et du coup, en fait, forcément, la mobilisation était plus forte sur plein de sujets différents, sur la lutte des métropoles, sur la gentrification, sur les transports, sur la situation des paysans sur place, sur les habitants du monde du Lyonnais, sur la situation de la vallée du Gier. Bref, il y avait plein d'enjeux qui se croisaient, et du coup plein de gens qui se rencontraient et du coup eh ben, la lutte a commencé à prendre des formes qui étaient plutôt intéressantes. Sauf que ici c'est très restreint, c'est super petit, tout le monde se connaît, tout le monde tout le monde a de la famille intel, il y a plein de petits enjeux, il y a plein de truc un peu compliqué, et il y a aussi par contre il y a des similitudes, notamment la similitude que par exemple la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire soutient ce projet, qu'importe pour les paysans impactés, eux en fait ils font juste leur rôle de partenariat des Républicains et de Vauquier. Bref, du coup, il lâche la situation des paysans. On reviendra sur la situation des paysans parce que c'est une situation particulière. En fait, la lutte là-bas, c'est sur un projet de traverse, une voie de circulation de transport de marchandises interrégionales et internationales même, parce que c'est en gros c'est nord-est de l'Europe, Espagne, c'est en gros c'est un axe pour éviter de passer dans la vallée du Rhône qui est souvent bouteillée et sur la côte. Du coup, les personnes impactées, enfin l'intérêt de cette route les trucs sur lesquels il faudrait lutter contre les profiteurs de ce projet, c'est un peu impalpable. Ils sont pas sur place, quoi. Ils sont pas à Saint-Eustien, ils sont pas au Pertuis. Le projet derrière de Vauquier, c'est en fait de développer. C'est qu'ils voient le développement, le profit, la recherche de profit, etc., de ce territoire, que par le biais de faire venir de l'argent, et on peut faire venir de l'argent sur ce territoire, que en faisant traverser, mettant une route coûte que coûte en travers. et du coup, en espérant grappiller des transits, et du coup, des transports, et du coup, je sais pas, 2-3 hangars de temps en temps, à droite, à gauche. Et voilà. Donc en fait, derrière, en fait, ça remet en cause aussi une situation, un modèle économique de la Haute-Loire, qui est en fait, c'est un département très pauvre, enfin plutôt pauvre, et avec une organisation économique assez particulière. On va écouter d'ailleurs des gens du collectif La Lutte des Sucres qui parlent de cette situation-là. C'est la politique est un peu du passé, quoi. Tout le monde pense que s'il y a une route qui arrive, c'est un afflux économique, en fait. En fait, ils ne pensent pas qu'on puisse vivre en Haute-Loire, localement. Ils pensent vraiment que même les maires qui peuvent être un peu sensibilisés, que non, ça vient forcément de la métropole, en fait. L'argent, il vient de la métropole et tout ça, donc du coup, il faut que les gens ils puissent accéder rapidement à cette zone, pour qu'elle puisse se développer, tout ça, pour qu'en fait, qu'on étende la métropole. Mais ici, c'est pas la métropole, ça sera jamais la métropole. Le territoire, il est pas adapté pour ça. Et même les nouvelles personnes qui sont venues s'installer ici, on est venues s'installer là pour ça, justement. Et il y a plein de gens qui vivent là, qui n'ont peut-être pas des salaires de 2000 euros par mois, mais ils se débrouillent, en fait. Oh, moi, je suis pas 2000 euros. En Haute-Loire, il n'y a pas de salaire très élevé. La moyenne, elle est à 1 600. Hein. Faut pas rêver. Oui, il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins, mais il y en a beaucoup qui ont moins. La moyenne, c'est smicard en Haute-Loire. Hein. C'est le smic, hein. Faut pas rêver. Hein. Même si on nous dit que quand Bocchi me dit qu'il y a 2 200 euros, les gens qui gagnent en Haute-Loire 2 200 euros, mais je lui dis, mais j'aimerais bien en connaître, moi, des gens qui gagnent 2 200 euros. Après, moi. Les gens, ils font leur jardin. Oui, voilà. Il n'y a pas les gros loyers. Ou si tu as une maison, ça coûte pas très cher. Au final. On s'y rejoint, on n'est pas en. Avec un SMIG en Haute-Loire, tu vis très bien. Et donc, voilà ce qu'il disait à propos de ça. Mais en fait, les autres enjeux qu'il y a derrière aussi, c'est la situation des paysans impactés. En fait, c'est une zone où assez sauvage, c'est-à-dire qu'il y a des volcans, il y a des forêts, etc. Mais il y a aussi notamment de l'élevage et du coup, notamment les personnes interrogé, et donc on va parler de la situation, notamment des enjeux et les problèmes d'eau. Hop, le son. Ce qu'on ne comprend pas surtout, c'est qu'ils font rien pour les sources. Ils vont détruire quand même 7 sources, hein. C'est pas rien. On n'arrête pas de dire qu'il manque de l'eau sur la terre. Nous, on détruise la nôtre. Nous, on se bat surtout pour notre source, parce que nous, on n'a pas l'eau de ville, hein. Donc faut bien se dire qu'à un moment donné, il va falloir nous amener l'eau, hein. De maison, pas d'eau. Il va falloir qu'ils trouvent une solution. Et c'est pas quand ils auront fait la route qu'ils nous auront coupé l'eau, que nos bêtes elles creveront de soif, qu'il va falloir se réagir. C'est avant qu'il va falloir qu'ils réagissent. On a beau leur dire, on n'est pas écoutés sur ce sujet-là. Il n'y a pas que nous qu'on est concernés par l'eau. Hein. Oui, c'est triste, mon chéri. Et ils en détruisent à Saint-Austien des sources, ils en détruisent au Pertuis. Au Pertuis, ils en détruisent 4. Et à l'époque où on dit qu'on manque d'eau, c'est sûr que cette année il y a beaucoup d'eau. Il a beaucoup plu, il y a beaucoup d'inondations. Mais généralement, il manque d'eau. Et ben, c'est quand même grave, quand même. Moi, pourquoi on ne peut pas conserver cette eau? C'est quand même grave, quand même. Enfin, moi, je pense, quand on me parle de l'eau, moi, je vois toujours ces gens dans ces pays pauvres qui manquent d'eau. Moi, mon image à l'eau, c'est ça. Nous, on a de l'eau, on a de la chance, c'est une richesse, l'eau. C'est une richesse qui ne se monnaie pas encore, mais un jour, elle se monnaiera, cette eau, si on continue comme ça. Bon, moi, je trouve ça très triste. Hein. Nous, s'ils font rien pour nous, nous, on a une exploitation qui est finie. Hein. On n'a plus d'eau, quoi. C'est fini, quoi. Nous, on tourne avec l'eau de source, quoi. Elles ne sont pas très profondes, nos sources, parce que c'est des sources, comme c'est des volcans, mais elles sont là. Nous, elles tarissent jamais loin. On manque jamais d'eau depuis tout le temps. Moi, les arrière-grands-parents de mon homme vivaient sur cette eau, les gens en famille d'avant aussi. Hein. Donc, cette eau, elle est toujours là, et on a plus de bêtes qu'avant, et l'eau tarit pas, quoi. Et ouais, l'eau tarit pas, et donc en fait, bien sûr, les associations naturalistes et environnementales, elles se questionnent sur les animaux, la faune, etc., qui sera impactée, les paysages, la géologie, etc. Mais il y a aussi effectivement cette question de l'eau et les conséquences que ça va avoir pour les habitants, mais principalement aussi pour ceux qui travaillent la terre, notamment les agriculteurs. Bref, ce malaise de l'eau se rajoute, ce malaise de l'eau, mais aussi du coup les pressions des gens qui veulent, enfin de l'agence qui veut acheter les terres, etc., etc. Les incertitudes, et ben, se rajoutent au malaise du monde agricole Et du coup, voilà ce que notre interlocutrice en parle de l'important malaise. Enfin, c'est un euphémisme. Ils sont à bout de souffle parce qu'ils ne sont pas écoutés, eux aussi. Hein. Et ça, si, ça, j'espère que si jamais son projet aboutit, là, si jamais, malheureusement, ce sera malheureusement parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Il y aura un agriculteur ou un ancien agriculteur qui se suicide, j'espère qu'il le portera bien sur sa vauquiette parce que ça sera sa faute. Sa faute à lui tout seul. Il faudra bien qu'il l'assume. Et ça, qu'il se dise bien. Parce que quand vous ne dormez pas des nuits et des nuits entières parce que vous entendez des machines creuser à côté de chez vous, qu'on vous répond jamais, qu'on vous dit on va vous répondre, qu'on voit jamais personne venir, qu'on est convoqué par le préfet, que personne ne vient jamais, que c'est ça, moi j'appelle ça de l'irrespect quand même. Hein, qu'on fait des lettres, on fait tout pour pouvoir avoir des réponses à nos questions en tant qu'agriculteur, et qu'on vous répond jamais, qu'on vous dormez pas la nuit, et que vous, ça fait quand même... Ça fait 3 ans, nous, là, que ça a vraiment repris, ça fait qu'un an avec eux, que personne ne vous répond, que c'est quand même grave, quand même. Ils vous font des réunions, mais ils vous répondent pas, en fait. Ils disent un discours. Mais on n'est pas écoutés, en fait. Ils écoutent que lui. Lui, moi, j'avance, et puis les autres, c'est pas grave si je les écrase. C'est quand même... C'est grave, quoi. Moi, Vauquier, si jamais la route se fait, il y aura un suicide. Il n'y en aura peut-être pas qu'un, malheureusement, hein. Mais il faudra bien qu'il se mette dans sa tête que ce sera de sa faute à lui. Et ça, j'aimerais bien pouvoir le croiser et lui le dire en face. Parce que chaque fois qu'on essaye de le croiser, messieurs les gendarmes nous plaquent dans la boue. Ou ils nous interdisent de venir, on n'a pas le droit d'avoir des rendez-vous. On n'a jamais de réponse avec ce brave monsieur. Là, comme ça, dit comme ça, ça fait vraiment dur. Mais vous allez voir que la lutte est vivace et il se passe plein de choses. Bon, je passe les tags sur les ponts, les banderoles, les trucs comme ça. Il y a plein de choses qui se font. Mais en même temps, en face, il y a une espèce de contrôle permanent, de présence policière assez régulière, une pression, une lutte de la part des flics en mode basse intensité, quoi. En gros, voilà, il y a des tractages sur des ronds-points qui ont été sanctionnés par des amendes. Voilà, merci le Covid. Il y a des tentatives d'approche lorsque Wauquiez vient fanfaronner sur les travaux de la ligne 88 au niveau de Saint-Jean, donc c'est 15 bornes un peu plus loin. Voilà, résultat des courses, gendarmes un peu partout pour bloquer toutes les petites rues ou chemins qui mènent au point de rendez-vous et amende à la clé. Merci le Covid. Il y a des interventions sur le marché Saint-Jean. Il y a aussi des tentatives de réunion publique en mode débat, concertation, etc. Bref, ils ont réussi à avoir une salle une fois dans le village. Et puis depuis, les mairies bloquent l'accès à ces salles pour ces réunions publiques. Ensuite, y a des balades, toujours, mais on l'a entendu. Toujours avec une présence régulière des flics qui relèvent les plaques d'immatriculation, etc., etc. En gros, ils sont en train de faire une espèce de paysage de qui intervient, ils prennent des contacts, etc. Il y a eu une manif en décembre et pareil, suite à ça il y a des personnes qui ont été convoquées à des entretiens, etc. Et des personnes qui ont eu des amendes avec leur voiture en sortant du rassemblement. Il y a aussi bref, il y a des tentatives d'intervention devant les assemblées locales, les communautés urbaines et des choses comme ça, où les maires, certaines personnes disaient « Ok, je suis d'accord avec vous, moi je vais voter contre, etc. » Et puis Wauquiez arrive et impose sa manière de faire, de voter, et impose par exemple le vote à main levée, histoire de savoir qui est contre, qui est pas contre. Et voilà, les gens en fait sous la pression, parce qu'il y a des... Il y a plein d'autres enjeux, il y a des histoires d'échangeurs, il y a des histoires de locales, de rénovation, d'accès à plein de projets intercommunaux, et du coup, Wauquiez met la pression ainsi, et du coup, les gens, les élus, étonnants, se plient à Wauquiez. Bref, c'est assez difficile. On rajoute à ça les difficultés de se rencontrer, de se croiser, de faire des choses dans les rues ou dans des lieux publics, de faire de l'agitation. Ça, c'est très compliqué en ces temps de Covid et peut-être encore plus particulier en milieu rural, en fait, où tout le monde est un peu dispersé dans leur ferme ou leur maison, dans leur village, etc. Quoi qu'il en soit, il y a des rendez-vous. Et tout d'abord, les balades qui continuent toutes les semaines, tous les mercredis, avec à chaque fois un alibi, que ce soit la géologie, le patrimoine, les chibottes, ce sont les cabanes en bois, en pierre sèche, là, qui parsèment en fait le paysage et qui vont être détruites ou déplacées, pierre par pierre, un peu plus loin. Bref, ces rendez-vous, c'est des moments intéressants pour se croiser, discuter et aussi de manière informelle, etc. Et donc voilà, on vous invite à y aller. Vous avez tous les rendez-vous sur le collectif La Lutte des Sucs. Après, il y a un autre volet. Il y a un volet un peu juridique qui est lancé par les associations environnementales qui ont fait des recours, qui ont fait des relevés, qui ont payé des huissiers, qui sont graissés à venir pour relever les trucs qui étaient les travaux qui n'étaient pas dans les règles. L'idée, c'est de faire un référé suspensif aux travaux, de le bloquer, etc. Bon, bref, y a des gens qui y croivent. En tout cas, donc il y a un rassemblement mardi au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a des bus qui y vont, etc. Après, personnellement, je trouve étonnant, voire questionnant, voire déroutant que ce rendez-vous, les associations appellent à venir, mais à ne pas faire de bruit, pour ne pas mettre la pression sur les juges. Bref, c'est questionnant et forcément, du coup, ça questionne sur les luttes, car une fois que les référés vont avancer, il va bien falloir aussi réagir. La réaction, elle va se faire notamment le 21 mars. C'est un rendez-vous important dans la lutte et on invite tout le monde à monter là-haut à ce moment-là parce que le 21 mars, ils organisent une transhumance avec un semis de printemps. L'idée, c'est d'aller planter des champs de blé, etc., sur les terres qui ont été défrichées. Toujours pour reprendre possession de ce terrain, de prendre connaissance de ça, et de commencer à essayer de faire un rendez-vous important. Voilà. Donc voilà, on va écouter un son sur comment eux ils voient en fait la suite des actions. Attends, mais je regarde. Voilà, alors d'abord, on va passer un petit son sur une invitation au rendez-vous du 21 mars. Vous allez voir, ça donne envie d'aller prendre l'air. Moi, ce que je dirais aux Stéphanois, c'est si vous avez envie de prendre l'air, venez le 21 mars. Ouais. Vous sèmerez peut-être votre premier grain de blé et puis vous découvrirez un peu le territoire. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas de Haute-Loire, se dire « Ah oui, il est juste pour 10 km de route », mais 10 km de route, c'est pas grand-chose, mais ici, dans ce territoire-là, ça impacte vraiment beaucoup, quoi. Mmh. C'est... Après, oui, le rendez-vous est donné, hein, ils peuvent venir nous voir. On les accueille avec plaisir. Et la suite ? Hop. Collectivement, on se dit que on va monter crescendo aussi sur les actions, quoi. Pour l'instant, c'était assez soft, et après... On peut pas toujours être... Malheureusement, en France, ça devient triste parce que quand on demande gentiment d'être écouté, on n'est pas écouté. Et quand on commence à se faire voir, c'est très triste. Quand on commence, exemple des Gilets jaunes, la préfecture a brûlé, ben ça a commencé à bouger. C'est triste quand même. C'est triste d'en arriver là. Mais c'est triste d'en arriver là. Mais si on les avait écoutés avant, tous ces gens qui n'arrêtent pas de dire que ça ne fait pas à la fin du mois. Après, oui, je pense qu'à un moment donné, on va plus être des gentils qui se promènent dans les bois. Il faut être réaliste. Alors, les gentils qui se promènent dans les bois, ça ne leur apporte rien. Mais c'est aussi pour ça que les gendarmes fichent, pour savoir qui sont les responsables et tout ça. Comme si c'était le collectif La Lutte des Sucs qui dirigeait tout, qui avait même des chefs dans le collectif, que si jamais un jour il y a une pelleteuse qui brûle, c'est forcément que le collectif a appelé à ça. Pas forcément en collectif. Sait rien, hein. Tu vois, en fait. Après, ça ne sera pas forcément la faute. Nous, le collectif, on n'est pas là pour faire cramer des pelleteuses. Hein. Mais j'espère qu'en tout cas, si un jour ça arrive, on ne se dissociera pas. Quoi. On essaye de trouver des points de rapprochement, tout en permettant à chacun de faire un peu ce qu'il souhaite, quoi. Et ouais, de trouver des points de rapprochement. Et moi, de retour à Saint-Étienne, ben moi je me dis que en fait, l'important c'est aussi quand cette lutte elle est super locale, elle est prise en plein enjeu local. Mais qu'elle nous impacte aussi, nous, parce que c'est un modèle de vie, c'est un modèle de société, c'est un modèle d'économie qu'on nous impose et contre lequel il est nécessaire de lutter. Et du coup, ben ouais, ça nous impacte à Saint-Étienne, ça nous impacte parce qu'il y a des boîtes de Saint-Étienne qui sont sur place. Hein. Par exemple, la boîte qui fait les relevés des espèces, des choses comme ça, elle s'appelle Sésame et elle est dans le coin. Bref, c'est un bureau d'études. Bref, du coup, effectivement, il va falloir monter d'un cran et puis certainement qu'il va falloir que ça déborde. Que ça déborde pas forcément, que ça déborde de ces petits villages en fait. Que ça touche ailleurs et que ça rejoigne d'autres luttes ailleurs. Que ce soit du coup les gens qui ont lutté sur la 45. Sur tout le territoire là-bas. En fait, c'est la même chose, en fait. C'est le même projet, c'est juste que c'est plus loin, en fait. L'idée, c'est que ça se connecte et que ça se construise, que ça monte un peu plus, quoi. Voilà, un autre petit son. Mais moi, des fois, je me dis, quand à force de pas être écouté, que tu te plains tout le temps, ça peut tourner mal, oui. Malheureusement, oui. joie, courage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou un voix de l'autre. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, c'est ainsi que Joie, rage et courage se termine. Donc on vous invite tous et toutes à vous intéresser à ce combat. Il y a un blog qui est pas mal fait qui s'appelle Les Sucs en lutte. .neblogs.org, on le mettra en lien sur le blog de Joie, rage et courage. joie-rage-et-courage.noblogs.org. On mettra en lien aussi plein de textes. Il y a un article de reporter qui est pas mal, qui est assez complet, etc. Il y a des petites vidéos qui se trouvent à droite à gauche, et bref, voilà. On vous invite tous à venir le 21 mars à monter là-haut. Voilà, le 21 mars, le jour de la future émission, la prochaine émission de Joie, rage et courage. Voilà, l'émission, avant de terminer l'émission, et ben... on espère que cette petite heure, ce son, etc. Et puis donne de la force à toutes les personnes sur Santé là qui prennent cher et tout ça. Grosse pensée à tout le monde. Et puis une pensée aussi, mes excuses de pas avoir pu passer tous les sons et tous les intéressants échanges que j'ai pu avoir. Là-haut, mes maladresses techniques sont aussi grandes que mon soutien. Voilà, et en tout cas, on continuera à parler des sucs en lutte et de ce projet. Et notamment, dans une prochaine émission, on fera un truc sur les difficultés et les parades pour arriver à lutter et se faire entendre malgré le Covid. Voilà. Un gros merci aux personnes croisées. Un gros merci et un joyeux anniversaire à mon accompagnateur. Et puis, voilà. Joie, rage et courage, vous pouvez écouter, aller sur le site joie, rage et courage.neblogs.org. Ça fait plusieurs mois que je vous dis que le site va être mis à jour, mais ça progresse, je vous jure. Et puis, le prochain rendez-vous, le 21 mars. En attendant, il y a plein de choses sur Radio Dio. N'hésitez pas à vous connecter sur le 89.5 FM. Allez, et en attendant, soyez pas trop sages. Ciao!